بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 36 question de ce livre. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى بعض الناس عندما يدعو يقول مثلا الله يهديه إن شاء الله أو الله يرحم موتانا وموتى المسلمين إن شاء الله، فهل تقرن المشيئة بالدعاء؟ Donc il a interrogé l'auteur au sujet de certaines personnes qui, lorsqu'elles invoquent, disent qu'Allah le guide si Allah le veut, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou qu'Allah fasse miséricorde à nos morts et aux morts des musulmans si Allah le veut. Est-ce que la volonté d'Allah azawajal est attachée à l'invocation? C'est-à-dire, Inch'Allah, lors d'une invocation. فَأَجَابَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الْغَالِبَ عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ التَّبَرُّكَ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادَهُمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. Donc il a dit, en général, les gens qui disent ce genre de paroles, ils ne veulent pas attacher l'invocation par la volonté d'Allah Azza wa Jalla, mais ils veulent juste, en disant Inch'Allah, la baraka, et tabarruk. Donc, dans ce sens-là, le shir dit qu'il n'y a pas de problème. Amma iza kanu yuriduna ta'liq, fala yanbaghi an yaqulu hadha. Lina yushbihu manaha anhu. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وإن كان بينهما فرق من حيث إن التاء في قوله إن شئت للخطاب وما إن شاء الله فهو للغائب ومخاطب المخاطب بمثل هذا أعظم من أن يجعل فيه بصيغة الغائب. Donc il a dit, par contre, s'ils veulent justement rattacher l'invocation à la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire comme s'il disait, qu'il donnait le choix à Allah, si tu veux, fais-le, si tu veux, tu ne le fais pas. Alors cela ressemble à ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, a interdit, lorsqu'il a dit qu'aucun d'entre vous ne dise, « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Bien qu'il y ait une différence entre les deux, car il y en a un qui est dans la forme oratoire, c'est-à-dire et l'autre qui est sous la forme de discours envers un interlocuteur. Ça veut dire, t'en as un, tu dis si Allah veut, ça c'est la forme oratoire, c'est-à-dire tu parles de quelqu'un, et lorsque tu dis si tu veux, là c'est tu, comment dirais-je, ton discours est tourné vers un interlocuteur, tu parles à quelqu'un directement. Donc il y a une différence entre les deux, mais en réalité, ça c'est un détail, en réalité, le hadith lui-même interdit de faire cela, c'est-à-dire de rattacher l'invocation à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Dans Kitab Tawhid, c'est un bab qui était cité, et c'est un manque de azima dans le dua, de détermination, on va dire. C'est-à-dire, lorsqu'on demande une chose à Allah, c'est comme si on disait à Allah, que Allah peut-être ne veut pas, ou peut-être qu'il ne peut pas. Et ça, c'est une chose qui n'est pas possible. Fi haqqihi, subhanah. Donc, on doit dire, Allah, fais-moi miséricorde. Allah, pardonne-moi. Allah, donne-moi telle chose. Allah, évite-moi telle chose. Sans dire, Inch'Allah. Et même lorsque l'auteur, il dit qu'il n'y a pas de mal, si on veut le tabarruk, cette parole est discutable, car en réalité, elle s'oppose à la parole du hadith. Et le hadith dit de ne pas dire comme ça. Donc là, on n'a pas forcément besoin de regarder l'intention de la personne, mais on regarde que le hadith dit de ne pas dire cela. Et cela est meilleur. Cela est plus proche de l'application du hadith, sallallahu ta'ala a'lam. Thumma qala fi suwal al-sabi'a wa thalathin. 37e question. Suwila al-shaykh, rahimahu ta'ala, ma rayyukum في قول بعض الناس يا هادي يا دليل. Donc il fut interrogé, que pensez-vous de la parole de certaines personnes qui disent ô Hadi, au dalil. Hadi, c'est celui qui guide. Et dalil également. Car le mot dalil vient du verbe dalla yadullu, qui veut dire prouver, qui veut dire indiquer, et qui veut dire également montrer, et qui veut dire également guider. Adullu ka alashay, je t'indique une chose, c'est-à-dire je te guide. Donc il dit, فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى يَا هَادِي يَا دَلِيلْ لَا أَعْلَمُهُمَا مِنْ أَسْمَعِ اللَّهِ. Donc il a dit, ces deux mots-là, je ne les connais pas comme étant parmi le nom d'Allah. Hadi et Dalil. D'accord. Le shir dit qu'il ne connaît pas ces deux noms-là comme étant parmi le nom d'Allah Azza wa Jal. فَإِنْ قَصَدَ بِيَ الْإِنْسَانَ الصِّفَةَ فَلَا بَيْثَ كَمَا يَقُولُ اللَّهُمَّ يَا مُجْرِيَ السَّحَابِ يَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَالدَّلِيلُ هُنَا بِمَعْنَى الْهَادِي. Donc il dit par contre, s'il veut par là l'attribut, qu'il est permis d'invoquer Allah en y mettant le nom qui est, lui, dérivé d'un attribut. Par exemple, il dit, oh Allah, toi qui fais courir, on va dire, les nuages, ou toi qui as fait descendre le livre, car Mujri, ce n'est pas parmi le nom d'Allah, Azzawajal, mais Allah, pour de vrai, c'est lui qui fait courir courir. On va dire qu'il fait déplacer les nuages. Et c'est lui qui a fait descendre le livre. C'est parmi ses attributs, Al-Inzal. Mais Munzil, ce n'est pas parmi ses noms. Donc il a dit, si on veut par là le sens de l'attribut, et que Allah, il guide pour de vrai, parmi ses attributs qu'il guide, l'a guidé, alors il dit qu'il n'y a pas de mal. Car ça, c'est une règle que les ulama ont dit que Bab al-Arba' al-Sifat Aousa' min Bab al-Asma. C'est-à-dire que le fait qu'on l'informe d'Allah par rapport à son attribut est une chose qui est plus large que par ses noms. C'est-à-dire qu'on ne le nomme pas par telle chose, mais on le décrit par un de ses attributs, par le nom qui va avec. Mais on ne dit pas que c'est un de ses noms. On ne dit pas que c'est un de ses noms. وَهَذَا الَّذِي رَضَى الْمُؤَلِّفْ بِهَذَا السُّؤَالِ وَاللَّهُ تَعَلَى عَلَمْ وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ